pourquoi Viktor Orban a déclaré « Nous sommes tous des enfants descendants d'Attila ». Viktor Orban, premier ministre de la Hongrie, est aujourd'hui le seul des dirigeants de l'Union européenne qui continue à entretenir des liens avec Poutine en répétant que les familles hongroises ne paieront pas le prix de la guerre contre l'Ukraine. Il bénéficie du soutien d'une large fraction de l'opinion parce qu'il exploite les arguments classiques de l'extrême droite nationaliste. Pour comprendre l'impact de ce genre de discours en Hongrie, il faut dire quelques mots sur l'histoire particulière de ce pays au cours du XXe siècle. L'Autriche-Hongrie, qui s'était rangée aux côtés de l'Allemagne en 1914, a été contrainte par les Alliés d'accepter le traité du Trianon signé à Versailles en 1920. Suite à ce traité, la Hongrie fut amputée des deux tiers de son territoire et du tiers de sa population. Le pays perdit son accès à la mer, la quasi-totalité de ses ressources minières et une bonne partie de ses forêts. 3 300 000 Hongrois passèrent brutalement sous la tutelle d'une puissance étrangère. Comme cela fut le cas en Allemagne, ce diktat fut ressenti comme une immense humiliation, suscitant un ressentiment qui a été exploité ensuite par les partis d'extrême droite. Après la Seconde Guerre mondiale, la Hongrie est devenue une république populaire sous contrôle soviétique, puis, après la chute du mur de Berlin, un régime démocratique a été mis en place avec l'avènement de la Troisième République de Hongrie. Même si le traité du Trianon a été signé il y a plus d'un siècle, et bien que la Hongrie soit devenue un membre à part entière de l'Union européenne, Viktor Orban a su réactiver ce passé pour cultiver une forme de nationalisme qui alimente la méfiance à l'égard de l'Europe de l'Ouest. Dans le même temps, Orban a multiplié les discours et les actes visant à rapprocher les Hongrois des peuples des steppes asiatiques afin de nouer des relations diplomatiques avec les républiques d'Asie centrale. Il s'est rapproché du Conseil des États turcs créé il y a quelques années pour rassembler aux côtés de la Turquie les peuples de l'Azerbaïdjan, du Kazakhstan, du Kirghizistan et de l'Ouzbékistan. Orban est intervenu aussi dans le domaine culturel en soutenant un festival qui met en scène des guerriers hongrois ainsi que leurs homologues des pays d'Asie centrale. Pendant 3 jours, des dizaines de milliers de Hongrois peuvent ainsi célébrer l'unité du peuple des steppes et de leurs ancêtres, les Huns. Voilà pourquoi Orban a affirmé « Nous sommes tous descendants des enfants d'Attila ». Les historiens sérieux ont dénoncé cette manipulation du passé. Assimiler l'histoire des Hongrois aux gloires d'Attila, le fléau de Dieu, c'est une mythologie nationale qui date du Moyen-Âge, a affirmé l'un d'entre eux. Mais la vérité historique est le cadet des soucis de Viktor Orban. Son but est de réhabiliter l'idéologie qu'on appelait le pantouranisme, qui eut son heure de gloire dans l'entre-deux-guerres sous le régime du dictateur Miklós Horthy. Déjà à cette époque, l'objectif était clair. En exaltant nos ancêtres les Huns, ces leaders nationalistes cherchent à effacer la honte d'un peuple vaincu en le présentant comme l'héritier des glorieux guerriers d'autrefois.